y a quoi dedans? Mobile passif. Ben, je vais attendre une heure, ça vaut le coup. Je vous dis un coup de klaxon. Je